Hein, ouais, je... Fuck. C'est vraiment horrible, nuisance, c'est plus ce que c'était. Déjà que c'était chier avant, mais... Là, c'est pire. C'est grave, grave à chier, quoi. Bon, ça y est, c'est le début de Nuisance, donc l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur la radio Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Bienvenue parmi nous, tous les suicidés. Présente devant vous aujourd'hui en toute humilité, face à la tâche qui nous attend, reconnaissant de la confiance que vous m'avez accordée et conscient des sacrifices consentis par nos ancêtres. ce que je suis en train de dire, justement, que c'était très important de suivre à la lettre toutes les recommandations, je veux dire, avant de s'attaquer à donc quelque chose de plus compliqué. Voilà. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 5, L'amour de Dieu, de la collection Commentaires du Coran. Mes chers musulmans, je me présente devant vous aujourd'hui en toute humilité face à la tâche qui nous attend, reconnaissant de la confiance que vous m'avez accordée et conscient des sacrifices consentis par nos ancêtres. Oui, ce sont des choses qui arrivent, des fois on censure sans s'en rendre compte. Je veux dire tout, quoi. Enfin, contre. Ouais. Enfin, vous m'avez compris. Ça va être long ce soir. Mes chers concitoyens, je me présente devant vous aujourd'hui en toute humilité, face à la tâche qui nous attend. Reconnaissant de la confiance que vous m'avez accordée et conscient des sacrifices consentis par nos ancêtres. Je remercie le président Bush des services rendus à notre nation, ainsi que de la générosité et de la, coopération dont il a fait preuve durant toute la transition. Dont il a fait preuve durant toute la transition. 44 Américains ont désormais fait ce serment présidentiel. Ces mots ont été souvent prononcés dans la marée montante de la prospérité et dans les eaux calmes de la paix. Mais il est arrivé que ce serment ait été prononcé alors que le temps était orageux et que la tempête faisait rage. En ces moments-là, l'Amérique a persévéré non seulement du fait des compétences et de la perspicacité de ses dirigeants, mais parce que nous, le peuple, sommes demeurés loyaux envers les idéaux de nos ancêtres et envers les documents fondateurs. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par Benoît Spartz, équipe de réalisation notre pays est en guerre, Frédéric Thiroux, Philippe Carminati, Éric Villenfant et Brigitte Bouvier, préparé par Myriam Akawa, une émission de Jean-Pierre Ligon. On entreprend tout de suite, dès les premiers contacts, de donner en effet cette impression d'une appartenance à une organisation qui ne date pas d'hier, qui n'est pas apparue, qui n'a pas surgi comme ça, tout d'un coup. Par exemple, je me souviens très bien qu'à la différence des organisations qui étaient nées du creuset de mai 68, l'OCI enseignait que justement elle ne datait pas de la crise de 68, qu'elle avait des racines beaucoup plus profondes dans une histoire qui remontait à Trotsky, à la bataille au sein de la SFIO, puis ensuite à la bataille dans la résistance ou à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'histoire qui tient de la légende et du mythe et qui assure de façon essentielle la cohésion de cette organisation. C'est un rapport à la qui est tout à fait différent. En effet, ça c'est très important. Jamais la Ligue n'a cherché à former, je me souviens très bien de la formation que j'avais reçue au Comité Rouge, elle n'a jamais cherché à former. Quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Provocation à partir d'un enseignement concernant l'histoire de la Ligue, comme ça, comme un ton isolé à travers quelques personnalités qui auraient marqué comme ça la continuité, qui auraient assuré la continuité. C'est vrai que c'est une différence qui est tout à fait importante. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.

Alors, quand on est tout à fait minoritaire, bon, mais chez Pierre Franck, était là-dessus terrible. En même temps, une timidité démente sur la vie personnelle, cachée, on cachait, une timidité qui cachait aussi une sacrée sensibilité. Pendant, quand Pierre Franck fait quelques allusions personnelles, il s'est pu arriver d'avoir les larmes aux yeux, vous savez, une seconde. Mais il faut voir que le militantisme, quand on est 150 et quand on est coups sur la tête partout, comme il disait toujours, il faut avoir une peau d'éléphant, il faut que tu aies une peau d'éléphant. C'était une vie en même temps d'un pauvre, parce que Franck jamais posait des problèmes de fric, il avait toujours la même costume. Il n'avait pas honte, on n'en parlait pas. C'est une forme d'héroïsme pour ces gens qui ont pris la maison contre vent et marée. Bah, la première image de Pierre Franck, c'est que j'arrive dans le local de la 4e internationale, Parti communiste international, section française de la 4e internationale. Je trouve un appart de deux pièces avec un permanent ennemi là-dedans. J'arrive tout ému parce qu'on m'avait dit, les Trotskistes qui m'avaient entraîné là-dedans, m'avaient dit, tu vas voir, parce que j'ai connu, tu vas voir le compagnon de Trotsky, etc. Donc d'un seul coup, il y avait toute l'histoire dans ma tête, qui en 24 heures s'était coagulé, et j'étais vachement ému. Je parle compagnon de Trotsky quand même si quelques mois avant, je pensais que c'était un fasciste, le Trotsky en question, mais bon. L'évolution s'est faite, et quand j'arrive devant Pierre Franck, et je sais que c'était fait exprès, il arrive, on me présente, il fait que je venais, bien sûr, je sais comme si les gens disaient, parce que c'est pas pour me vanter, mais c'était un apport, quand même, pour la petite section de la 4e internationale, immédiatement, il me tend un balai, il me dit, tu peux pas me donner un coup de main, il y a encore de ça à la nettoyer. Et bon, ben, j'ai balayé, bon, tout ça, et puis, il me fait dire, mais bon, ça choque ou ça choque pas, mais c'était ça les méthodes, si ça choquait pas, on était mieux pour continuer. Pierre Lambert, pour le portrait de l'honneur, Pierre Franck, pour la LPR, deux figures historiques qui assurent le relais entre ses courants et les générations théoriques des années 30. Les ouvrières, de son côté, pleurent depuis 50 ans, son grand ancêtre disparu. David Turner, dit Martin, fondateur de l'Union pour la guerre, a enlevé ses immunités dès le début des années 50. C'est bien que les dirigeants de lutte ouvrière, qui ont refondé leur propre groupe en se réclamant de ses héritages, ont dû faire leur théorie une continuité à jamais vécue. D'où la réticence de ces dirigeants à évoquer l'histoire quand ils se sont orphelins. Michel Renaissan, membre de l'unité politique de lutte ouvrière. L'histoire propre de notre courant, c'est un petit courant. Il n'y a pas énormément d'histoires à raconter, et en tout cas, et malheureusement, il faut croire que l'histoire du mouvement trotskiste, pas seulement nous, mais c'est la petite histoire. Il y en a de polémique avec le courant anarchiste, mais je crois qu'ils ont tendance à confondre leur histoire et l'histoire avec un grand H. Et ça, c'est un tort. Parce que, bon, je ne veux pas dire que leur histoire, leur propre histoire n'est pas intéressante, mais il faut la relativiser. Quand il s'agit d'un courant qui n'a pas d'influence réelle sur les masses, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça le plus important quand même. Et c'est pour ça, je crois, que nous, lorsqu'on essaye de formuler nos idées, lorsqu'on essaye de former et d'éduquer nos militants, et bien en général, on insiste plus sur, notre, sur l'histoire politique, l'histoire avec un grand H, que sur notre petite histoire à nous. Cela pourra se faire rapidement. Mais sachez-le bien, Amérique, nous les relèverons. Nous sommes assemblés en ce jour parce que nous avons choisi de faire triompher l'espoir sur la peur et l'unité de notre destin sur le conflit et la discorde. Nous sommes venus en ce jour proclamer la fin des mesquineries, des fausses promesses, de la récrimination et des dogmes dépassés qui étranglent notre vie politique depuis trop longtemps. Nous demeurons une jeune nation, mais comme il est dit dans les Écritures, il est temps de dépasser les enfantillages. Il est temps de réaffirmer notre ténacité, de choisir ce qu'il y a de mieux dans notre histoire, de préserver ce nom précieux, cette noble idée transmise de génération en génération. La promesse éduquée dans l'idée que c'était aussi notre histoire, même si on avait des désaccords. Et que nous méritons tous des camarades comme Franck, comme Robert, ils ont permis aussi en réaffirmant la grandeur de notre nation en France. Nous comprenons que cette grandeur n'est jamais indue. Il faut la mériter. Notre c'est notre histoire commune, mais c'est vrai qu'il y a quand même des écrits de notre organisation pendant la guerre. La voie que nous avons empruntée n'a jamais été pour les craintifs. Si, les lieux humains, je dis, c'était d'abord Bartha, bien sûr. Qui ne recherche que le plaisir de la richesse et de la célébrité. D'autres ont repris finalement les idées de Bartha. Qui agissent, des sur l'organisation, qui des tas de choses. Hein. Donc notre histoire, c'est... Mais le plus souvent, c'est d'avoir essayé de s'implanter dans la classe ouvrière, d'y être en partie le long du chemin ardu arrivé. Moi, je pourrais parler de la grève du Crédit Lyonnais, bien sûr, parce qu'elle a duré 2 mois pour la grève des banques et que finalement, là aussi, c'est là où l'expérience des autres sert, parce que je suis finalement inspiré de ce qu'avait fait Pierre Bois et ses camarades en 1947, les comités de grève. Ils ont enduré bon, voilà, notre histoire, elle s'est écrite comme ça. Pour nous, bon, là, ça y est, tout est dit. On va recréer maintenant. À Concorde et à Gettysburg, en Normandie, François et à Dubu, membre du comité exécutif de lutte ouvrière. Ces hommes et ces femmes ont lutté, se sont sacrifiés et ont travaillé à s'écorcher les mains, afin que nous ayons une meilleure vie. Et puis, ils savaient que l'Amérique était plus grande que la somme de leurs ambitions individuelles, plus grande que les différences de naissance, de richesse ou de faction. C'est sur cette trajectoire que nous continuons aujourd'hui. Nous demeurons une nation prospère et puissante dans le monde. Nos travailleurs ne sont pas moins productifs que lorsque cette crise a commencé. Nos cerveaux ne sont pas moins créatifs, nos biens et services ne sont pas moins nécessaires qu'ils ne l'étaient la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière. Notre capacité demeure intacte, mais le temps de rester inactif, de protéger des intérêts étroits et de repousser des décisions déplaisantes est définitivement révolu. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous relever, secouer la poussière de nos sandales et nous atteler à la reconstruction de l'Amérique. En effet, partout où nous regardons, il y a du travail à faire. L'état de notre économie exige des actions audacieuses et rapides. L'état de notre économie exige des actions audacieuses et rapides. Et nous agirons non seulement pour créer. Donc si j'ai bien compris, non seulement pour créer, mais pour détruire, c'est ça ? D'accord. Non seulement pour créer, mais pour détruire maintenant, c'est ça ? C'est ça le discours d'investiture de Obama ? Putain, c'est de la balle. Détruire toute la merde, là. Détruire la thune et pourrir les riches. Ah ouais, pour créer la merde pour les riches, c'est cool. Donc non seulement pour créer la merde pour les riches, mais en plus pour les tuer, c'est cool. Mais pourquoi t'as tué Ben Laden, connard ? Il était pas riche, lui. Pas aussi riche que toi, en tout cas. Quoi d'aider directement et matériellement les insurgés algériens ? construire un parti dans la classe ouvrière. Et... une telle chose, demain ce sera notre propre presse. C'est normal, pris dans, entre les deux feux, ils se font exterminer. Donc il est arrivé. On me dit... Mais c'est une note de frais. Qui ou dérobé. C'était effectivement le début. Posant. I. L'intérieur du FLN, le comment on a fait que tout ça va trouver les femmes, particulièrement les C'est la révolution des femmes. Ça va être long, ça va être long. Quand il a débarqué dans cette... Non mais là ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Je l'ai accueilli

C'est encore une émission passionnante ce soir, en votre compagnie. Vous êtes vraiment de plaisante compagnie ce soir. Je vous remercie d'être là. Que ferais-je sans vous, quoi. Vous feriez je réfléchis avant de toucher à des quatre juifs mexicains de France et l'autre la laisser publier jusqu'au bout des livres de Schwarz, Einstein, de tous les mathématiciens juifs allemands très connus. Historique, le trotskisme qui s'est retrouvé trouvé accusé de toutes parts, accusé par les Staliniens d'un côté et par les capitalistes de l'autre. Lui donner comme ça ce statut, répète, iconoclaste, de tout remettre en cause, de questionnement permanent, et pourquoi pas, et pour comment en étant arrivé là, de remettre en cause des fondements, etc. C'est le béaba des mathématiques, hein, qui sont sans arrêt en train de revenir sur les résultats acquis, sur le point de vue pour obtenir une approche différente, une perception différente. Et ça aussi, d'une certaine façon, me semble-t-il, le rapproche de la pratique qui a un petit pas d'ensemble vers l'inconscient. Excusez-moi. Membre fondateur et dirigeant de l'actuelle Ligue. Excusez-moi, mais il y a un problème, on comprend rien. Daniel Ben. Le mec il parle trop lentement. Plus on est en condition d'agir. Toujours rien. Plus c'est fait. Aide à relativiser, à devenir. Je suis en train de faire un peu de temps. Merde. La platine est dure. Temps file, et nous savons pas où prendre le directeur. Ouais, comme le mouroir, quoi. Le mouroir. Elles qui sont conscientes que moi, baiser, c'est plus important que des poissons. Yeah. Ouais. Le petit corps, sa coque, représente l'impossible, l'impossible, mais qui est ouais gros ouais. Test 1, 2. On aime bien rapper un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. C'est quoi cet instru qui fait dire que vas-y, envoie un truc profond et vas-y, très fort, vas-y, tu envoies super vite. Mais c'est quoi cette merde? Vous êtes pas venu ici pour faire des trucs bien, hein, je vous le répète, hein, que de la merde ici. Hein. On est que venu pour faire de la merde ici, ça sert à rien. Ça peut vous être heureux, je vais être aimé. Non, ça me. Eh, oh ouais, oui, mais la tête sur laquelle je m'exprime, c'est pas possible. Vous venez? Non. Tu aimes jouer avec moi? Tous les deux, main dans la main. Ouais, vas-y, prends-moi par la main. Prends-moi la bite avec la main. Ouais, vas-y, prends-moi, tripote-moi la bite avec la main. Ouais, vas-y, ouais, c'est bon, avale, connasse, connard. Avalez tous mon foutre sanguinolent. Miam. Miasme. Retire-toi là, je me suis étouffé. Crève. Crève. Vas-y, crève, ouais, c'est bon, ouais. Ouais, bah, c'est bon, tu fais partir de la bande maintenant que t'es mort. Tu fais partir de la bande. Vous pourrez côté un peu. Voilà, on enquête un peu quoi. C'est de la mélodie. T'es encore mort. J'angoisse totalement. Bonsoir, messieurs. Vous êtes les derniers à écouter la fréquence qui est l'inverse. Bon, ça y est, bon, ben, l'émission touche à sa fin. Merci pour tout. Au revoir. Dessine-moi un mouton. Si tu entends ce mot mouton, alors tu dessineras un mouton. Un poil brillant. Hein? méchant. Retourne les japonais. Salutations aux trois fois Dim. Il y a des problèmes techniques dans la régie et la lumière s'éteigna. Y a quelqu'un qui m'entend et... Je commence à voir les synapses qui s'intercloquent. La canette est vide et je me plains encore. Et la vie continue à faire ce que je ne veux plus, à achever mes souffrances. Vous, êtres humains qui continuez à vivre, projetez en moi votre espérance qu'en moi je meurs. Je ne suis que le morcellement d'une vie. Et vous n'êtes que l'éphémère. Quand moi, je meurs, vous vivez. Et vous continuez à jouir dans tous les orifices de mon corps. Hardcore jusqu'à la mort. Non. Je suis pas du NTM, mais je nique ta mère. Et nique ton père, et je viole ta mère. Évidemment, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voudrait bien. Viole-moi, viole-moi. Allah Akbar. La ilaha illallah. Oh, pardon, j'ai monté le volume trop fort, excusez-moi. Ah oui, c'est bon ça. Ça crachait et tout. Oh. Non, j'ai pas envie de cramer la table en fait. Non, j'ai plutôt vous faire chier en fait, comme d'habitude, comme je fais toujours. Yeah. Tu crois que les infrabasses font monter moins l'impédance que cela? Je sais pas, mais ça fait monter la pression en tout cas. Ouais, garçon. Évidemment, il y a des connexions qui se font entre l'absolu et l'abstinence. C'est difficile de scratcher sur ce matériel. Mais je scratch pas, je fais chier en fait. Je chie sur le disque. Ah! Pas traîner ton père si tu veux pas qu'il perde. Étymologie de père, s'il vous plaît. Pas terre. Non, père. Comme une vieille cassette de rail. Ou père avec deux points sur le i. Une paire de couilles, non, c'est ça? Ouais, si tu veux. Genre une paire de seins, une paire d'ovaires, une paire d'ovules. Ouais, carrément. Une paire de spermatozoïdes. Moi, je pue l'immigration comme une vieille cassette de rail. Eh, hey, McFarid trop présente sur le micro. Père, famille du latin pater, grec pater, père. Ouah, c'est long. Père, famille du latin pater, grec pater, père. Mot, inde, heure. Je sais même pas ce que ça veut dire. Exprime en moins la paternité. T'es calotte ton impère, si tu veux bien que un père vient vers toi. T'es calotte toi, si t'es pas circoncis, t'es calotte toi, alors si t'es ainsi parlant direct dans l'événement, vas-y impère. C'est déjà ça, c'est déjà. Père, vas-y père, oh, c'est lire mec. Justifie-moi, père, donnez-moi père. Patin. Père du latin. Père. Pater, grec, pater, père. Dépouillé, famille du latin. Spolium. Dépouille d'un animal, puis d'un ennemi. Employé surtout au pluriel, spolia. Spoliaré, renforcé en spoliarorare. Spoliatito, tort. C'est quoi ce délire? Représente l'étymologie. Et c'est qui l'auteur? Il faut toujours sauter l'auteur. Jacqueline Picoche. Il a sauté Jacqueline Picoche, si t'entends de ça. De Robert, en fait. Non, non, de Robert, non, non. Jacqueline Picoche. Prout, je voudrais dédicacer ce poème à ma mère, que j'aime tant, à mon père aussi. Et je voudrais enculer mon chien aussi, ouais, comme ça, juste gratuitement, comme ça, pour faire plaisir à ma bite. Je voudrais prendre sur la régie. Ouais, c'est ça, avec la bite. Non. Ouais, la grosse queue dans le cul, ouais, génial. Non, c'est avec la bouteille de 16 qui me fait péter un plomb. J'aimerais te prendre dans chacun de tes orifices. Moi, je suis l'immigration dans la poésie à cette oreille. Non, ça va être ça encore. J'aimerais mettre chacun de tes orifices. En même temps, j'aimerais être à l'intérieur de toi et en même temps, j'aimerais être à l'extérieur de toi. C'est évident parce que à l'extérieur, je pense être à l'intérieur. Et évidemment, j'aimerais bien que mon sang glisse le long de tes veines. Et que à chaque moment tu penses être moi. J'aime être. Le venin de la vie, être le spermatozoïde, être à mort, être à gore, être celui qui fait vivre. Ton corps. Yo, ah. Je nique ton père. Il a. Non, nous sommes toujours sur Canal Sud 92.2 et oui, toujours envie d'exulter ses exultoires. J'aimerais bien encore jouir dans l'orifice de Hal, mais cela ne serait que radoter. Je ne suis pas un rasoir mal aiguisé. Laissez-moi glisser sur votre corps. Ah oui, attention. Laissez-moi gerber aussi sur l'anniversaire de votre père, parce que. Je n'aime pas être le dernier à être passé. Ah, j'adore éjaculer précocement. Ah, je ne sais pas quel mot pourrait être employé pour un préservatif. J'aimerais bien atteindre l'ovule, celui de votre arrière-petit-fils. Oh, j'aimerais bien féconder plusieurs femmes en même temps. Ça serait. Ah oui. Ça me laisse muet. Mais bon, je pourrais parler encore du passé parce que présentement, je n'ai pas encore réussi à féconder une seule femme à part. Inutile de citer son prénom. Oh merde. Je me suis chié. Je me suis chié dessus quand j'ai vu. La démocratie, ça merde. Mais ne me mets pas dans une position délicate, d'accord? Ça va. Comme c'est demandé gentiment, ça va. Délicatement je me produis dans les parages. j'adore Ragok. C'est toi le meilleur, tu es de la miséricorde. Et toi tu sais, toi tu as le lit de la volonté. Et moi je ne suis plus rien quand je vibre au Dieu de nuit. C'est quoi cette merde? Mais putain, mais les gars, c'est... Non mais Prout quoi, Prout, désolé, mais Loverman et Shabba, Loverman, Shabba, rien à foutre moi, tu sais. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu sais, je vous laisse l'antenne pendant 30 secondes et je finis avec des I love you baby, baby je t'aime et tout, tu sais. Non mais ça va pas se passer comme ça, hein, hein. Pas de dédicace. Prendre l'antenne plus longtemps que cela, hein, avec des bruits de gourgouloutement, je ne sais pas quel terme pourrons-nous employer pour ce genre d'action là. Mais grave, espèce de César, on peut pas nuire sans se faire nuire. Non. Mais moi au début je croyais que c'était Prodigy, tu vois. Ah non, c'est pas pour Prodigy. En mode Prodigy pitché, tu vois. Ah, ça c'est cool ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, là. Inversement de situation, le. Que la censure. Thank you. On sait, ça fait chier, c'est la merde, ça va crever. Grosse merde de putain de chiottes, d'enculé de race de merde, putain de chiottes, d'enculé de race, putain de merde, enculé de merde. On s'entend bien tous les quatre et comme ça, parce que non seulement ils font des attaques du boulot, mais ils veulent pas avoir des gens qui font chier. crever, c'est ça qu'on devrait faire. Ah ah, oui, bon. J'aimerais dire un truc. La conscience humaine. Alors, la projection de soi n'est pas forcément une évidence dans l'évolution de l'être humain. Tu veux parler de ta mère ? Évidemment, ma mère est tombée dans mes bras un soir d'hiver. Ouais, ouais. Alors, la rime aussi, quelque chose qui a été créé pour un peu marginaliser la discussion entre auditeurs et éditeurs. Moi, j'aimerais un jour éditer quelque chose, clair et simple. C'est qui, Claire ? Claire et simple, marché. Main dans la main. J'ai chaud au cul. Oui, monsieur, j'ai chaud au cul, oui. Pourquoi, tu veux pas me baiser ? Tu me trouves laide ? C'est ça que tu crois ? Tu me trouves moche ? Tu trouves que je pue, c'est ça, hein ? Je pue du cul. Je comprends. J'aimerais beaucoup faire de toi quelqu'un de libre. Je veux pas être quelqu'un, moi. Je veux quelque chose. J'aimerais beaucoup de faire de toi quelque chose qui quitte. Je veux pas, moi. Moi, je suis rien, moi. J'aimerais beaucoup. Je culpabilise. Ça va, t'aimes pas, ça va. Corps se balader dans la rue tout seul. Et que personne ne veuille le prendre dans sa main. Oreille, c'est comme mon anus. Ma bouche, c'est comme mon vagin. Quand est-ce que je comprendrai que ma bouche et mon anus ne font que la même chose? Baiser. Et que je comprendrai que finalement, je ne suis que la même personne qui exulte encore une fois ce que voulait dire la confiture d'anus. Ouais, prout. Putain de bordel de merde. Elle dit Colline le long de moi, mais elle n'exprime rien. Moi, personnellement, je jouis et je hurle. Vive le néant, ouais, ouais. Je voudrais dire à ceux qui m'aiment, à celui qui me prend en part, l'endroit, que je ne suis que une faiblesse ou un moment. Un instant qui se fait, à se faire, on commence à se conjuguer. À se conjuguer, on en devient un module. J'aimerais être l'astronaute qui te fait... Ouais, jouir dans le cul. Oh, un mou du cul. Ah, oh, baise-moi le cul. Ouais, salope. Vibrer. Baise-moi le cul, salope. Enthousiasmé. Tu aimes les belles paroles ? Moi, j'aime... Non. Parler lentement. Et de bite ? C'est bon ? Y a moyen ? Tu parles de bite lentement et tout ? Parle-moi de bite lentement. Avec ma langue ? Avec ta langue et ta bouche. Et ma langue, elle, est-ce qu'elle a le droit d'aller lentement aussi ? Dans ton cul, ouais. Si elle veut, elle peut... tu peux te lécher le cul, tu sais. Avec ta langue. Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est de pas baiser dans la chatte, parce que la bite dans la chatte, ça peut faire des enfants. Et il faut crever la race humaine, donc il faut baiser dans le cul maintenant. Dans le cul, dans le cul ! À partir d'aujourd'hui, on baise que dans le cul, tu sais. C'est fini tout ça. Que le cul. Est-ce que la queue ? Ou est-ce que de queue en queue ? Ou est-ce que bi-queue ? Ou est-ce que dit creux ? Dit creux pourrait aller dans tous les orifices encore. Attends, j'appelle Dieu, tu sais, s'en occuper pourtant. Bah, je sais pas, il s'en est occupé, Dieu. Je sais pas qui a appelé, le pape. Il est pas mort encore ? Non. Faut attendre un peu, ben on peut appeler un imam ou quelque chose, tu sais. T'en connais un ? J'aimerais la synagogue. Parler. Allez, on va appeler Dieu d'eau. Celui qui habite. Tu aimes le mot bite ? Est-ce que tu aimes le mot bite ? Et cul aussi. J'aime bien aussi le mot cul, bite dans cul ou cul dans bite, tout comme ça. Mais est-ce que tu aimes le mot bite à part et cul à part ? Non, juste foutre dans cul, quoi. Juste foutre ? Ou juste. La justesse du foutre dans le cul. Mais comment ? Justement dans le cul ou foutrement juste avec la main on fourne ah, le foutre dans le cul. C'est pas le mot bite qui t'intéresse, alors c'est le mot foutre. Non, j'essaie d'appeler Dieu en fait. Ça m'est toujours occupé. Mais Dieu est mort ? Tu ne le savais pas ? Pas encore, je crois. Je crois qu'il nous entend. Donc il faut lui répondre vite. Faut dire non, Dieu, en fait, on s'est trompé de numéro, mec. L'âme sensible peut s'abstenir, car les dires ressassent le passé, évidemment. Le simplet exulte une fois de plus ses désirs. Moi, je pue l'immigration comme une vieille cassette de rail. Allons-y alors. Tu veux du jus de couille ? Tu veux du jus de couille, mec ? Tu veux du jus de couille ? Oh, du jus de couille ? Ouais. Je suis une sensation moderne, il faut travailler. Tout ce régime t'a dit, il faut travailler. Mais en même temps, lui, il aimerait être patron. Et oui, allez tous voter. Et oui. Non, on va pas faire de politique ce soir, ni l'autre soir. Canal Sud n'a jamais fait de politique et ne commencera pas ce soir sur une radio qui n'a jamais parlé de politique. Inutile. Nous n'avons jamais parlé de la caution moderne qui veut toujours avoir la plus belle voiture. Et oui, il faut simplifier comme le mince, même si c'est un simple qu'il faudrait simplifier pour que qu'on le lutte sur l'année. Toujours la même. J'ai perdu mes copains. Tu voudrais pas être gentil avec moi? Me tenir un petit peu là sur la hanche parce que je marche pas droit. Ah. Je suis censé avoir une voix de billage, mais Je ne suis qu'un vulgaire personnage. Ouais, baby, bouge ton body, baby, je t'aime et je veux te foutre ma bite dans le cul. Ouais, ouais, ma bite dans le cul. Ouais, ouais, je t'aime, baby, ma bite dans le cul. La bite dans le cul. Je t'aime, baby, baby, baby, la bite dans le cul. Paterne, étymologiquement. Je suis pas forcément d'accord avec toi, tu sais. Voilà quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être d'accord quoi, merde. Attends, dis ce que tu veux. Fais ce qu'on veut. Moi, ça fait. Moi, je pose des trucs. Trucs qui déchirent. Des trucs qui déchirent la race, regarde. Ouais, ouais. Ouais, je pose sur le son de merde et j'encule ma merde tous les soirs de ma vie de merde parce que je suis un pauvre con. Un pauvre con. Et j'aime être un pauvre con parce que j'ai pas de fric et je vous encule les riches. Et tous les riches, ils vont crever dans leur merde. Et moi je vais être merdique jusqu'à la fin parce que j'ai une petite bite et que je suis qu'une merde. Allez vous faire enculer. Ouais. On s'est dit qu'on allait vous passer un peu de musique dans l'émission Nuisance, c'est un fait qui quoi, vite. plage. Ouais, alors vas-y, parle-moi d'exultation, mec. Vas-y, parle-moi d'exulter. Allez, mec. C'est le mois du jour, c'est du soir. Okay. Exulter. Ah, oh, merde. t'arrive. Ils sont morts. On peut faire des commentaires genre allez vous faire foutre. Ouais. Ouais. T'en veux des oreilles? T'en as plus des oreilles. S'il y a un auditeur qui nous écoute, qu'il nous contacte. Non, rappelle pas. Tu seras bien reçu. Et l'auditeur qui nous écoute pas, bienvenue. j'étais en train de dire qu'il y avait un truc intéressant. Là, ça. Super. Ouais, on se sent enculé. Ouais, si bon, vas-y. Tu m'as sorcelle, mon. J'accepte. Ouais, donc je disais donc on se fait enculer, ouais, par exemple. Si on trouvait le meilleur. Comment? Dans mon oreille? Non, dans l'appareil. Larsen? Dans son oreille? L'appareil. Moi j'aime le cul, mais la tête elle me fait mal dans le larcène. Ça fait mal le larcène qu'au cul. La vérité, on l'a mérité avec cette saloperie de terre qu'on a hérité. Plus moyen de vivre bien une vie sans crainte, sans chien. Qui comprend nos vies mieux que nous-mêmes, mène mieux que vous-même. Je mène mon combat au quotidien pour ceux que j'aime. Autant j'y viens, faut pas avoir la flemme, c'est les tiens. Je crois pas, d'ailleurs on vient et ça se voit. Quoi, les mauvaises nouvelles chez nous tombent comme des flashs constants. Les choses s'arrachent, on crache du sang. Commentaire, commentaire, commentaire. Commentaire devant ma mère, commentaire. Commentaire devant tes enfants, commentaire, c'est pas la même. Commentaire devant ta mère, commentaire, c'est pas la même. Commentaire devant de moi, c'est comme si commentaire devant mes yeux qui repèrent la vie. Commentaire, c'est pas la Ça, merde, c'est culé. Je suis plus rien à voir, ouais, la caisse. bâtards, on va les niquer, on va les prendre par le cul. Prendre par le cul, on va les pendre. On va les pendre dans leur merde. Ils vont crever la merde, ils vont crever l'abcès, ils vont purer, ils vont pustuler, ouais. Et crevons l'abcès ensemble. Prenons les riches et crevons-les devant leurs enfants, les pauvres. Les pauvrettes, ouais, pauvres petits, ils vont crever la dalle maintenant. Ils vont savoir ce que c'est la clavie, hein, dans la rue. Des murs pour eux. Les riches dans la rue. Les riches, ils pensent qu'ils sont heureux. Les riches à la rue. Les riches à la rue, quand celui qui pense qui est à la rue, qui est à la rue, qui est à la rue. Crevez les riches, ouais, crevez les riches tous. Je veux dire. Get the comment down. code. C'est la paix. Bon ben, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est à peu près minuit, hein, pour vous dire la vérité, il est exactement minuit. Il est précisément minuit et une minute. Et donc nous allons vous quitter dans quelques temps cette soirée épileptique. Soi-disant, et aussi bah, finalement on voudrait vous tous vous souhaiter tu vois quoi, beaucoup de ça et aussi donc 2012, l'année de la loose, ça au moins ça n'a pas changé. Donc, l'année de la loose, ensemble, on va tout perdre. On va être des pauvres cons pour de vrai cette fois. Des vrais pauvres cons. voudrais dire que il y a eu beaucoup de merde de dites ce soir. Je voudrais excuser tous mes invités de leur stupidité et de leur bêtise surtout. Aucune merde de ma part n'a été proférée, bien sûr. Je suis le représentant unanime de la race sale race humaine de merde. Et donc je voudrais donc forcément vous enculer tous juste pour le plaisir d'eux. Voilà, c'est fait. On va bientôt s'arrêter parce que finalement bah, ça nous fait chier de vous faire chier. T'sais. Voilà, c'était Nuisance, 92.2 FM sur Canal Sud, je veux dire. Et Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Ouais, toutes. Même vous. Même vous. Vous êtes que la nuisance de merde. C'est vous. Et que c'est vrai ce que je dis. Ouais. C'est vrai. Je vous entends vous dire que c'est vrai. Et vous y croyez. Cette humanité-là, elle mérite de crever la mort. L'humanité qui dépense son fric sur la mort des autres, elle mérite de crever, vous entendez? Vous allez crever maintenant! Voilà, et donc c'était l'émission Nuisance, donc qui vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année de la loose et toute la merde qui va avec. Toute la grosse merde qui va avec. Allez, faites enculer. Nous sommes le 11 février 2012.